flamme que ton cœur porte sur moi phare. Et si le combat prend fin, c'est sûrement parce qu'on t'a pris par la main. Et tout bas, tu me murmures que tout ce que j'aime, tu me l'assures. Et dans tes défaites, tu me promets qu'un nouveau jour est pour demain. Cœur vibre plus fort, et les craintes qu'elle assemplifie. Elle sait qu'une autre fut dans mon lit. Tout bas, je lui murmure de calmer toutes ses inquiétudes. Et dans mes mensonges, je lui rappelle qu'à mes yeux, il n'y a plus qu'elle. Et doucement, tu me fais voir les plus douces de plus notre idée l'avance, d'autres filles entrent dans la danse. Et doucement tu me fais voir les plus douces de tes histoires. Et plus notre idée l'avance, d'autres filles entrent dans la danse. Blink 182 est sur Europe 2 avec son nouveau titre One More Time. Strangers, from strangers into brothers, from brothers into strangers once again. We saw the whole world, but I couldn't see the meaning. I couldn't even recognize my friends. Older, but nothing's any different. Right now feels the same, I wonder why. I wish they told us it shouldn't take a sickness or airplanes falling out the sky. Do I have to die to hear you miss me? Do I have to die to hear you say goodbye? I don't want to act like there's tomorrow. I don't. One more time, I miss you. Took time, but I admit it. It still hurts even after all these years. And I know that next time ain't always gonna happen. I gotta say I love you while we're here. Do I have to die to hear you miss me? Hear you say goodbye. d'avoir choisi le meilleur son. Europe 2, dans un instant, notre sujet préféré, les étoiles, la lune. On va prendre de la hauteur dans le mag aujourd'hui. Mais d'abord, on va faire un tour du côté de l'actu et l'essentiel présenté par Cédric Lecor. Bonjour Cédric. Bonjour Marie-Pierre, bonjour à tous. Joe Biden est en visite en Israël. Le président américain vient de promettre des mesures de soutien inédites après l'attaque du Hamas. Plus de 300 ressortissants américains sont morts. Le Quai d'Orsay a également revu son bilan à la hausse avec 24 Français tués et 7 toujours portés disparus. La France, où les alertes à la bombe se multiplient dans les aéroports. Des perturbations à Toulouse, Beauvais, Pau ou encore Bordeaux après des menaces d'attentats. Le château de Versailles a été évacué pour la troisième fois en quelques jours. Dans l'actu également, Total Energy a annoncé le maintien du plafonnement du prix de ses carburants à 1,99€ le litre pour toute l'année 2024. Puis en mode football, les Parisiennes jouent leur avenir ce soir en Ligue des Champions. Le PSG va recevoir Manchester United à 20h au Parc des Princes. De son côté, le Paris FC va jouer chez les Allemands de Wolfsburg. Alors on va lever les yeux vers le ciel pour la sortie d'un livre, celui de Thomas Pesquet. Ouais, le célèbre astronaute sort aujourd'hui son premier récit autobiographique, Ma vie sans gravité, aux éditions Flammarion. Bonjour à tous, je suis Thomas Pesquet dans la station spatiale pour 6 mois. À faire des expériences scientifiques, on peut faire uniquement ici parce que sur Terre, elles sont impossibles à faire et c'est ici qu'on découvre les choses qu'on espère vont faire avancer la science. Il compte aujourd'hui parmi les grandes figures de l'histoire de l'exploration spatiale. L'une des personnalités préférées des Français. Nul doute que le premier livre de Thomas Pesquet va se vendre comme des petits pains. Il est devenu en quelques années un modèle pour les nouvelles générations qui rêvent de toucher les étoiles. C'est évidemment son séjour de 6 mois dans la station spatiale internationale qui l'a rendu célèbre. À 31 ans déjà, il était devenu le plus jeune européen recruté comme astronaute. Bref, une carrière hors norme qu'il raconte dans son bouquin. Bah c'est Buzz L'éclair, pour moi c'est un super héros. On se demande comment c'est possible de tenir là-dedans, rester enfermé. Donc il raconte tout ça. Il raconte tout ça, tout le travail de recherche qu'il a mené pendant ces 6 mois, mais aussi la vie quotidienne, donc sur la façon de se laver, manger, dormir dans ces 400 mètres cubes habitables au tout flotte. Un rêve devenu réalité. Un rêve qui remontait à loin puisqu'il raconte que tout petit, à seulement 2 ans, son père l'avait installé dans une sorte de vaisseau spatial en carton. Mais c'est seulement en 2008 qu'il a songé pour la première fois à se lancer dans la carrière d'astronaute. Thomas Pesquet raconte tout ce cheminement, de son enfance en Normandie à sa sélection pour rejoindre l'ISS en passant par sa carrière de pilote d'avion. C'est passionnant. Et alors il y a plein d'anecdotes, notamment une sur Elon Musk. Oui, Thomas Pesquet a effectué une mission à bord d'un vaisseau de SpaceX en 2021. Il raconte qu'au moment du décollage à Cap Canaveral, le milliardaire a salué seulement les conjoints des membres américains de l'équipage en ignorant sa compagne Anne, à qui il dédicace justement son livre. Ma vie sans gravité, ça sort donc aujourd'hui en librairie. Et bravo à lui parce qu'il avait participé, tu sais, aux Enfoirés l'année dernière. Ouais. Et il avait donné 450 000 euros, même plus, pour les Restos du Cœur. C'est un mec de bien, la vente de son livre. Donc peut-être qu'il va recommencer cette année. Merci Cédric. Elle aussi, elle plane complètement depuis le succès de ce titre. Pardonne-moi, c'est sur Europe 2, Louane. 16h-20h. L'Afterwork Europe 2. Il est 8h du soir. Et les larmes me montent. Je me demande si j'ai perdu ton regard. De toute façon, y'a que moi qui compte. T'as les yeux tristes même quand tu souris. C'est ce qui me rappelle que j'ai tort. Et j'aimerais te dire que c'est fini, mais je recommence encore. Alors j'aimerais que tu me pardonnes. Pardonne-moi si j'en fais des tonnes. Moi je sais pas comment ça fonctionne. J'ai les yeux qui coulent tous les jours un peu trop. J'aimerais que tu me pardonnes. Pardonne-moi si parfois je déconne. Même si je sais que plus rien ne t'étonne. J'ai les yeux qui coulent tous les jours un peu trop. J'ai le cœur qui s'arrête. Je l'avais pas vu venir. Que j'ai pas gâché la fête. Je sais pas, je crie sans réfléchir. T'as les yeux tristes même quand tu souris. C'est ce qui me rappelle que j'ai tort. Et j'aimerais te dire que c'est fini, mais je recommence encore. Les yeux qui coulent tous les jours.

chance de croiser la route de Chris Martin et Coldplay à l'instant sur Europe 2. À venir, il y aura Trio, Ghost et Gabriella qui a tourné d'ailleurs l'un de ses clips dans le sud. C'est pas la chanson qu'on va écouter, mais par contre le clip que j'ai vu, c'est pour 5 AM, c'est tourné du côté de Nice et c'est magnifique, ça donne envie de partir en vacances. Vous pouvez écouter d'ailleurs Europe 2 absolument partout via l'appli et puis le site europe2.fr. À tout de suite, c'est le meilleur son Europe 2. 6h-9h30, Clément Saint-Crust sur Europe 2. Salut tout le monde, c'est Clément et aujourd'hui c'est Paul, notre stagiaire de 3ème qui a un message pour vous. Salut tout le monde, écoutez Clément Saint-Crust sur Europe 2, c'est le gars le plus drôle que je connaisse. Oh, c'est trop gentil ça Paul, tu le penses vraiment? Non mais vu que c'est toi qui signe mon rapport de stage... Ah d'accord, ok. Bon ben à demain sur Europe 2. Demain dès 6h, Clément Saint-Crust sur Europe 2. Mais où peut-on trouver plus de 3 millions d'euros en bons d'achat mis en jeu? Je peux les trouver dans mon caddie? Non, vous allez récupérer des jetons en caisse. Ah oui, pour ensuite gagner des bons d'achat. Oui, voilà, c'est dans ce sens-là. Donc c'est bien chez U que plus de 3 millions d'euros sont mis en jeu sous forme de bons d'achat de 2, 5, 10 et 100 euros. Alors rendez-vous à la borne de jeu de votre magasin U du 3 au 22 octobre. U, commerçant autrement. Jeu avec obligation d'achat valable à partir de 25 euros d'achat et ou l'achat d'un produit partenaire jusqu'au 22 octobre inclus. Selon ouverture de votre magasin, nombre total des dotations mises en jeu. Règlement complet sur magasin-u.com. Pour But, la cuisine, c'est sacré. La vraie cuisine, la belle cuisine, la cuisine bien de chez nous. Allez, on passe à table. Les portes ouvertes de la cuisine, c'est en ce moment chez But et sur but-cuisine.fr. Profitez de remises jusqu'à 30%, de remises supplémentaires jusqu'à 1500 euros et en plus de financement exceptionnel. Ça fait envie, non? Conditions de l'offre et sélection cuisine en magasin et sur but.fr. Il était une fois un jeune homme cherchant la recette d'une tarte aux fruits à prix magique. C'est pas gagné-gagné, se dit-il, avant de trouver les poires Origine France à 1,79€ la barquette de 1 kg chez Aldi. En fait, c'était pas dur-dur, ajouta-t-il. Eh, parce qu'il aimait bien tout répéter-répéter. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, variété conférence, Williams Vert ou Célina, offre valable jusqu'au samedi 21 octobre, info sur aldi.fr. Quand Solène a pris l'option cyberprotection pour sécuriser ses données pro sur son ordinateur, elle a tout de suite été super soulagée. Et son associé aussi? Bah oui, une protection contre les pirates, c'est le top. Surtout si on ne veut pas voir ses projets tomber à l'eau. Vous ne comptez pas vos heures, mais vous pouvez compter sur nous grâce à l'option cyberprotection. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux clients Orange Internet Pro haut débit. Conditions et détails sur orangepro.fr ou au 3901. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô, patron? Allô, Win? Et citrouille? En ce moment, la citrouille garnie de bonbons est à 3,49€ les 200 grammes. 3,49€ la citrouille pleine de bonbons. Oh oui, elle va faire un carton d'enfer. Bon, Lidl, c'est pas sorcier. Rendez-vous jusqu'au 12 novembre sur votre application Lidl+. Plus de 200 000 euros de gains à gagner grâce à notre grand jeu concours anniversaire. 17,45€ le kilo. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Vous voulez partir en vacances grâce à Europe 2? Dans la résidence Lagrange Vacances de votre choix. Une semaine à la mer, à la montagne ou à la campagne avec Europe 2 pour vous ressourcer et vous détendre en résidence 3 et 4 étoiles. Écoutez dès votre réveil Clément Saint-Crust sur Europe 2 et gagnez votre séjour dans une résidence Lagrange Vacances avec Europe 2. Chez Conforama, on pense à ceux qui cherchent le super prix pour un équipement au top. Avec le lave-linge Electrolux 8 kg avec temps de lavage adaptable à seulement 379,99€. Soit 70€ de remise. Conforama, jusqu'au 13 novembre, voir conditions sur conforama.fr. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Alors Thomas, vous faites l'inventaire de votre stock? Et non Cerise, je me penche sur ma future retraite. Et vu mon parcours, je suis perdu. Chez Groupama, un conseiller réalise gratuitement votre bilan retraite sur mesure pour savoir quand partir, avec combien et connaître les avantages de nos solutions d'épargne. Ah, et bien je prends rendez-vous alors. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les accompagner. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Je dois imprimer mes supports de formation en A4 et A3. T'as une idée? Va chez Bureau Vallée. L'imprimante Brother avec sa tête d'impression Maxi Drive brevetée ultra rapide est faite pour les petites entreprises et les groupes de travail comme toi. Elle est à 159,90€ au lieu de 219. Et Brother te rembourse jusqu'à 40€ en différé. Tu ne voudrais pas me former à tous tes bons plans? Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas. Valable du 9 au 21 octobre sur l'imprimante multifonction jet d'encre Brother J5340DW. Conditions de remboursement sur bureau-valet.fr. Oui, dis-moi, je suis en réunion là. Ouais, Mams, tu peux baisser le chauffage du salon? Parce que tu peux pas le faire. Bah ça va, je croyais que c'était toi qui pouvais contrôler absolument tous les radiateurs à distance. Avec le service gratuit Mon Pilotage Élect d'Engie, pilotez vos radiateurs électriques pièce par pièce directement depuis votre application. Nos clients Mon Pilotage Élect ont réduit en moyenne de 18% leur consommation d'électricité. Appelez le 3101, service et appel gratuit. Voir Voir détails sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Dans un instant, le meilleur son Europe 2 revient pour plus de musique. Chez Leroy Merlin, nous sommes là pour tous vos projets. Alors quand vous nous dites... J'ai 1000 idées de travaux pour améliorer ma maison. Oui, j'ai 1000 idées, mais un petit budget pour les financer. Vous pouvez m'aider ? On vous répond. Jusqu'au 7 novembre, pendant la fête des projets, retrouvez des milliers de produits à prix bas pour vos grands projets. Alors, on se lance ensemble ? Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Produits et services concernés sur leroymerlin.fr. Grand frais. Oui, bonjour, je devais arbitrer la demi-finale de la Coupe du Monde, mais je peux pas. J'ai grand frais. Ils ont du boudin noir, nature, aux pommes ou aux châtaignes. J'en ai déjà l'eau à la bouche, moi. Mais je jetterai un coup d'œil sur le match de Pimentel. Puis si je vois une faute, ben je vous appelle. Hein, on fait ça. Chez Grand Frais, jusqu'à samedi, le boudin noir est à 8,99€ le kilo. Régalez-vous, faites vos courses. Grand Frais, le meilleur marché. Élaboré en France à partir de porc Origine France. Magasin participant sur grandfrais.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Europe 2. Salut, c'est Vianney. Salut, c'est Zazie. Europe 2 s'enflamme pour Vianney et Zazie. Comment on fait ? Danser dans ce drame, le prendre à la légère. Comment tu fais, toi ? De ce vague à l'âme, j'aimerais me défaire. Comment tu fais ? C'est qu'une attitude, j'improvise ma foi. Rien qu'une habitude, crois-moi. C'est qu'une attitude, le dernier mot je l'ai pas. Sur la vie au train où elle va. Comment on fait quand on prend des coups? Comment on fait? J'en sais rien du tout. Comment on fait? En fait on s'en fout. Danser dans ce chaos quand tout va de travers. Comment

held a magnifying glass up to our love. Burned a hole right through it. And in the light of day, I see the end of us. Guess I always knew it. De la lueur du soir, on peut se cacher. Rester dans le noir, défier notre sort. So shut the door, dim the light. Your body's warm, and it's so cold outside. Take off your clothes, close your eyes. We'll be in hell tomorrow, but we're having fun tonight. J'aurais aimé pouvoir persuader encore, jouer avec le temps, mais l'espoir reste le maître de mes torts. Rien n'est plus comme avant. Si j'avais vu les signes, tout aurait changé, mais le temps nous décide. Tant qu'on reste dans le noir. So shut the door, dim the light. Your body's warm, and it's so cold outside. Take off your clothes, close your eyes. We'll be in hell tomorrow, but we're having fun tonight. Sauver notre histoire. Si seulement je savais qu'à la lumière du jour je verrais ton regard, qu'il me transpercerait. Les plus beaux duos sont sur Europe 2. On va faire la connaissance de David Castello-Lopez dans un instant, un numériste sur Europe 2. Et d'abord, l'actu avec Cédric Lecor. Bonjour Cédric. Bonjour Marie-Pierre, bonjour à tous. Avec d'abord une nouvelle salve de 49-3. Elisabeth Borne vient de l'utiliser pour la troisième fois afin de valider sans vote la partie recette du projet de budget pour 2024. LFI a aussitôt annoncé une motion de censure. Joe Biden est en visite en Israël. Le président américain a promis des mesures de soutien inédites après l'attaque du Hamas. 24 Français ont été tués et 7 sont portés disparus selon un dernier bilan. À ce propos, l'OGC Nice a suspendu son défenseur Youssef Attal, visé par une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme après une publication liée au conflit entre Israël et le Hamas. La polémique enfle aussi autour d'un message de Karim Benzema. Et sur le terrain, les Parisiennes jouent leur avenir ce soir en Ligue des Champions. Le PSG reçoit Manchester United à 20h au Parc des Princes et le Paris FC va jouer chez les Allemandes de Wolfsburg. De l'humour, toujours, on en a tellement besoin. Cédric, tu as vu le spectacle de David Castello-Lopez? Oui, et c'est décapant. Ce journaliste qui a basculé dans l'humour présente depuis quelques mois, authentique, son tout premier one-man show. Parce que si les nazis avaient été portugais, la liste de Schindler, ça ne se serait pas appelé la liste de Schindler. Ça se serait appelé... La liste de José. L'histoire d'un homme qui a dit non au totalitarisme. À la fois juif et portugais, l'humoriste n'hésite pas à se moquer de ses origines, comme au début du spectacle où il imagine, et si les nazis avaient été portugais, quitte à choquer gentiment le public. En fait, il y a un tout petit truc qui choque, mais de façon très inoffensive. C'est-à-dire que les gens, ils sont pas vraiment choqués. Ils font « Oh !» Ouais, tout ça avec toujours beaucoup de bienveillance. Hein. Oh. Alors, ce n'est pas un one-man show dans lequel il s'étale sur sa vie. Hein. Et non, David Castello Lopez, qui cartonne avec ses vidéos sur les réseaux sociaux, a décidé de se pencher sur le thème de l'authenticité. Qui sont les vrais gens? Comment peut-on dire que quelque chose est authentique? Il s'en amuse avec des vidéos qui ponctuent le spectacle, comme des publicités des années 80. Ce que j'ai envie de faire, moi, c'est ça. J'ai des choses à montrer en plus de les dire, et ça passe par un écran, et j'ai envie de faire des ruptures de rythme avec du son, avec des lumières, et comme j'ai la possibilité de le faire, il n'y a vraiment pas de raison pour moi de ne faire que parler. Et la scène n'est pourtant pas son premier métier. À la base, journaliste, il nous a habitués à des vidéos humoristiques décalées sur Europe 1 et Canal+, mais sans s'imaginer se retrouver un jour faire du stand-up. Moi, je voulais pas être humoriste, vraiment. Enfin, en tout cas, c'est assez récent le fait que je me dise, tiens, je vais monter sur scène et je vais faire des sketchs et des trucs comme ça. Au départ, j'étais journaliste, donc c'était simplement, tiens, je me dis comment être le plus divertissant possible, être le plus intéressant, faire que ça intéresse les gens. Et donc, c'était tout à fait normal de commencer à mettre des blagues dans ce que je savais faire, en fait. Marie-Pierre, je sais pas si tu avais vu des vidéos. Oui, il est humble en plus parce qu'il est drôle, il est humble, il est pas mal physiquement en plus. On a besoin de gars comme ça. On est d'accord. Et ça cartonne aussi bien sur les réseaux sociaux que sur scène. Il a plus de 200 000 abonnés sur Instagram, 35 millions de vues sur YouTube. David Castello Lopez est également en tournée dans toute la France. C'est complet hein, tout le mois de novembre. Il reprendra ensuite sa tournée début février à Toulouse, avant Metz, Montpellier, Le Mans, Marseille ou encore Annecy. Et tout à l'heure, on parlera dans le mag de l'Afterwork Europe 2 de Thomas Pesquet pour prendre encore de la hauteur. Merci Cédric. Jusqu'à 20h. L'Afterwork Europe 2. Some days when I'm dreaming, I think of how far I have come. All my life's led to this, and now I see what I've become. I always had doubted that I could ever be someone that mattered, that shattered all these glass ceilings up above. All that I want is to see all the things that I could be. Destiny's calling me. We're children of the sky, flying up so high. Let me be that one to find the brightest sun. Children of the sky, guided by the light. Let me reach new heights, stars amongst the night. Children of the sky. Give up hope, though there are storms within my seas. Won't turn back when I lack. Sometimes it's hard just to believe. I've wanted to save us from ourselves. Just wanted to raise up, to save us from ourselves. All that I want is to see all the things that we could be. Destiny's calling me. We're children of the sky, flying up so high. Let me be that one to find the brightest sun. Children of the sky, guided by the light. Let me reach new heights, stars amongst the night. When we look back, light on, heavy glow. By the way, I

ne vois que toi. Et j'espère en partant qu'en fait tu décides de rester là. Je serai à l'heure pour ton vol. Pancarte à la main qu'on rigole pour ne rater aucun de nos câlins léodiens. Tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you, and you still won't hear me. Don't hold your hand this time. Moment, jour et nuit, vous tombez sur une chanson de Evanescence sur Europe 2. Une question et une date, enfin plusieurs, même sept dates pour le spectacle des Enfoirés. C'est déjà complet, malheureusement. Ça s'appellera On a 35 ans et justement, ils ont mis quand même une condition. Attention, n'achetez plus de place à des inconnus. Ça ne se passe que sur enfoiré.fr. Et comme c'est complet, pour l'instant, ils n'en ont pas encore remis. Mais surtout, n'en achetez pas parce que vous n'auriez aucune garantie de pouvoir rentrer au spectacle. Ça se passera à Bordeaux, au